don't leave me, please don't leave me alone. Girl, you know I love you. No, don't leave me, please don't leave me alone. Don't be afraid. You know that without you, boy, there is no future. When I wake up in the morning, I see you in my heart. Oh my God. Nous ont raffermi l'esprit et cela nous a fait voir qui étaient nos vrais amis. Et surtout ceux qui nous ont causé, oui, le plus d'ennui. Il est temps de tirer un trait sur tous ces vieux souvenirs. Oh my darling, et penser à l'avenir. Avant l'amour c'est ça qui a passé. Mais les plaisirs a fini, on y a envie. En fond, tu yo, ça peut comme ça. C'est pour moi, sans point stressé. Pour toute la vie, ça trop belle. Et puis en forme, qui ni un bon esprit. Il pas besoin de porter d'oxide, ni 501 Levis. Le plus souvent, les yo de Max, c'est les yo ni plus vis. Oh girl, c'est les yo ni plus vis. Pas content.